Ce sont les travaux sur l'horloge biologique qui ont été récompensés il y a 15 jours par le prix Nobel de médecine. Comment notre corps, notre cerveau et nos hormones se synchronisent-elles avec la lumière du jour ? On vous explique tout. Comment et pourquoi se souvient-on ? Pourquoi certains souvenirs sont-ils inextricablement liés ? Des études chez le rat nous renseignent sur l'organisation de la mémoire. Enfin, le ciel finira-t-il par nous tomber sur la tête ? Peut-être sous la forme d'un missile balistique intercontinental nord-coréen, mais le dictateur Kim Jong-un a-t-il les moyens de déclencher un holocauste nucléaire et de quel type ? Horloge biologique, organisation de la mémoire, bombe nucléaire, ce sont quelques-uns des sujets que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour vous dire tout sur votre passé, votre présent et votre avenir, et même si contrairement à d'autres, ils ne font pas revenir la personne aimée au foyer en moins de 48 heures, quoique, sait-on jamais, la fine fleur du journalisme scientifique est autour de la table de la méthode scientifique en les personnes de Cécile Lestienne. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction du magazine Pour la Science, Élodie Chabrol, bonjour. Bonjour. Directrice du festival Pint of Science et Olivier Lascar, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Rédacteur en chef numérique du magazine Science et Avenir. Mais avant cela, elle règne sur l'actualité des sciences et de la recherche, telle une dictatrice nord-coréenne d'une poigne de fer, ses OSFES, bonjour. Bonjour Nicolas. Pour le journal des sciences. Le journal des sciences. Et pour commencer ce journal, on commence avec donc deux études qui ont été publiées dans la revue Science sur l'homme, ou plutôt la femme de Néandertal, le séquençage réussi du génome d'une néandertalienne qui a vécu il y a 50 000 ans, nous en apprend beaucoup sur elle, sur eux, et donc sur nous, Zoé. Oui, puisque c'est l'Institut Planck de Leipzig qui est le pionnier de l'ADN ancien qui publie ces deux articles. Alors il faut savoir que l'Institut avait déjà réussi en 2014 le séquençage du génome d'une autre femme de Néandertal, dont les restes avaient été découverts en Sibérie, dans les montagnes de l'Altaï, et il a réussi cette fois à séquencer le génome de celui d'une femme dont les restes ont été retrouvés en 1980 dans une grotte en Croatie. Et l'analyse de ce génome nous en apprend beaucoup d'abord sur l'évolution de l'homme de Néandertal lui-même, dont on pense, je le rappelle, qu'il s'est éteint entre il y a 30 000 et 40 000 ans. Et c'est le docteur Kay Prüfer, l'auteur de ces deux études, qui m'a expliqué comment on comprend tout cela un peu mieux. Pour tenter d'en savoir plus sur l'évolution de Néandertal, nous avons fait une analyse très simple. Nous avons pris le génome que nous venions de séquencer, celui de cet individu retrouvé en Croatie, et nous l'avons comparé au seul autre génome complet de Néandertal que nous avions, celui d'une autre femme Néandertal retrouvée, elle, dans les montagnes de l'Altaï, en Sibérie. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a très peu de différence entre ces deux génomes. Or, grâce à l'analyse moléculaire, nous savons de façon précise quand ces femmes vivaient. On estime que celle de Sibérie vivait il y a 120 000 ans et que celle de Croatie, dont nous venons de séquencer le génome, vivait il y a 50 000 ans. Donc elles ont vécu à 70 000 ans d'écart, l'une en Sibérie, l'autre en Croatie, à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, et en dépit de ces grandes distances dans le temps et dans l'espace, il n'y a que trois différences de paires de bases sur 10 000 entre leurs deux génomes. Et c'est très peu. Pour vous donner un exemple, entre les génomes de ma mère et celui de mon père, il y a probablement au moins sept différences sur 10 000, alors qu'ils vivaient au même endroit et au même moment. Ce que cela nous dit de Néandertal, c'est que c'était certainement une population très réduite. En tout cas, à cette période-là, il y a entre 120 000 et 50 000 ans, ils étaient très peu nombreux. Alors, contrairement à la néandertalienne retrouvée en Sibérie, dont le génome montrait que ses parents étaient sans doute frères et sœurs, cette néandertalienne de Croatie, elle, en tout cas, n'est pas le fruit d'un inceste. Et l'analyse de ce nouveau génome complet donc de Néandertal nous montre surtout, Zoé, que l'homme, ou la femme de Néandertal en l'occurrence, est sans doute plus proche de nous qu'on ne le pensait. Oui, on le sait, Néandertal s'est mélangé aux Homo sapiens, et ses croisements ont probablement laissé des traces dans notre patrimoine génétique, du moins chez les humains hors d'Afrique, puisque ceux dont les ancêtres n'ont jamais quitté ce continent n'ont pas de gènes néandertaliens. Mais alors, où et quand ces croisements ont eu lieu ? Quelle part de notre patrimoine devons-nous au Néandertal ? Là encore, ces deux études apportent des éléments de réponse assez intéressants. On voulait savoir à quel point cette femme néandertale retrouvée en Croatie est proche des néandertales qui se sont mélangés aux populations non-africaines. Alors nous avons pris le génome du néandertal de Sibérie et le génome de cette femme néandertale retrouvée en Croatie. Et on a regardé lequel des deux était le plus proche des populations non-africaines modernes. On les a comparés au génome d'individus nés en France, mais aussi en Russie, en Asie, aux États-Unis, en Australie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attendait à ce que dans l'Est, ce soit le Néandertal de Sibérie qui est le génome le plus proche, et que dans l'Ouest, en Europe, ce soit plutôt le génome de l'individu trouvé en Croatie. Cela aurait indiqué qu'il y a eu plusieurs mélanges à plusieurs endroits du monde. Mais en fait, pas du tout. On s'est rendu compte que c'est toujours le génome du Néandertal de Croatie qui est le plus proche des génomes de toute la population moderne, et que cette contribution génétique varie entre 1,8 et 2,6%. Le génome de cet individu nous indique donc que Néandertal est plus proche de nous qu'on ne le pensait. En bref, maintenant, hier, on a senti passer le vent du boulet, Zoé. Le vent du boulet, c'est vous qui l'appelez comme ça, l'astéroïde 2012 TC4. Il est passé à 44 000 km de la Terre, il l'a frôlé, entre guillemets, donc. Alors, ce qui est assez courant, mais la NASA et l'Agence spatiale européenne ont profité de cet événement pour s'entraîner, mieux se préparer au passage de ce type d'objet rocheux qui s'approche parfois très très près de la Terre, comme celui notamment qui avait déchiré le ciel de la Sibérie en 2013, qui avait fait plusieurs centaines de blessés. L'exercice a été plutôt une réussite, même si plusieurs télescopes ont rencontré quelques problèmes techniques. Deuxième sujet de la semaine, une équipe de recherche de l'INSERM a identifié un mécanisme moléculaire commun à la schizophrénie et aux troubles bipolaires. Et oui, ces chercheurs de l'INSERM et du CEA Neurospin ont publié cette avancée assez importante dans la compréhension de ces deux maladies dans le Journal of Neuroscience la semaine dernière. Alors en 2010, la même équipe avait déjà mis le doigt sur la variante d'un gène baptisé SNAP25, beaucoup plus fréquente chez les patients qui souffrent de troubles bipolaires que chez les sujets dits normaux. Alors le but de cette équipe interdisciplinaire était donc de comprendre avec cette étude parue la semaine dernière, comment cette variante du gène SNAP25 pouvait concrètement influer sur le cerveau et augmenter le risque de troubles bipolaires. Comme l'a expliqué le psychiatre Jocelyn Wanou, il est l'auteur principal de cette étude. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'objectif, c'est pas juste d'identifier ces variations génétiques, parce que c'est des variations génétiques qui augmentent le risque de tomber malade de 2, 3, 4, 5% au maximum. Oui. Donc c'est pas ça qui nous importait, mais c'était vraiment de comprendre le mécanisme par lequel cette variation génétique pouvait augmenter le risque de devenir malade. Donc dans nos expériences in vitro, on a pu montrer qu'avoir la version à risque du gène SNAP25, ça suffisait juste cette variation pour augmenter le niveau de transcription de ce gène. En imagerie génétique, donc en utilisant l'IRM pour comparer les sujets suivant la version du gène qu'ils portaient, on a pu montrer qu'en fait les sujets qui avaient la version à risque du gène avaient une amygdale plus grande et une altération dans ce qu'on appelle la connectivité entre l'amygdale du cerveau et le cortex préfrontal. Donc en fait, on s'est intéressé à cette synchronisation, car on sait qu'elle est associée au risque d'avoir des symptômes, des variations de l'humeur importantes et le trouble bipolaire. Et enfin, on a retrouvé que cette variation génétique était associée à un plus grand risque d'être schizophrène dans deux cohortes indépendantes de sujets. Alors voilà, le but maintenant est de comprendre si d'autres gènes qui entraînent d'autres mécanismes moléculaires peuvent conduire, combinés à celui-ci, donc à celui qui vient d'être identifié, les patients qui seraient porteurs de plusieurs de ces variantes à risque à développer ces deux maladies. Voilà, et puis je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée à la schizophrénie il y a quelques jours. On vous met évidemment, comme chaque jour, le lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. En bref, maintenant, l'INSERM a réussi à imager pour la première fois de manière non-invasive, par échographie, l'activité cérébrale d'un nouveau-né, Zoé. C'est une première clinique et médicale assez importante, et grâce à cette technique baptisée de neuro-imagerie fonctionnelle par ultrasons qui a été développée en 2009 et qui combine une cadence ultra-rapide avec une très bonne résolution spatiale et une grande profondeur d'imagerie, on a de nouvelles perspectives de diagnostic neurologique, notamment chez les bébés, ceux qui sont nés à terme, mais aussi bien sûr chez les prématurés. Et le Conseil économique et social préconise la nomination d'un scientifique au plus près du président de la République. Sur le modèle du Chief Scientist qui est en place au Royaume-Uni depuis 1964, ce responsable viendrait éclairer le gouvernement et aiderait à constituer un réseau de conseillers scientifiques placés auprès des principaux ministres dans tous les champs, évidemment, pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est notre principal ennemi. C'est en tout cas ce que souhaite le CESE qui n'a pas, je le rappelle, d'avis obligatoire. Contrairement aux chats qui sont, eux, nos principaux nos amis, bien entendu. Et pour finir par la rubrique de science improbable de la semaine, je ne sais pas si vous connaissez le durian, ce fruit que l'on trouve en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie, qui sent extrêmement mauvais. On vous dit souvent que ça sent mauvais, mais que c'est extrêmement bon. Ne t'écoutez jamais ce qu'on vous dit, c'est effectivement très mauvais. Mais on sait en tout cas pourquoi ça sent aussi mauvais, Zoé. Alors, on saura peut-être bientôt. Hein. En tout cas, c'est comme ça que l'ont vendu les chercheurs qui travaillent dessus. Donc, ce durian qui a cette enveloppe verte très rigide et qui protège donc le monde extérieur contre cette odeur qui vient de la pulpe blanche du fruit, difficilement soutenable, comparée soit à celle d'un fromage trop vieux, souvent évidemment à l'odeur d'une poubelle qui se décompose un jour d'été. Les Asiatiques et moi-même adorons ce fruit dont on connaît 30 variétés aujourd'hui, mais dont plusieurs tendent et on ignore pourquoi à disparaître. Donc des scientifiques de Singapour, Hong Kong, Malaisie ont annoncé qu'ils ont commencé à séquencer le génome entier du durian. Ils travaillent à la fois sur les spécificités qui peuvent le rendre vulnérable et peut-être, qui sait, sauront-ils identifier les raisons qui le rendent si pestilentiel. Eh bien, je vous renvoie au marché, allez manger vos durians, mais dans une pièce fermée, Zoé, vous serez gentil. Merci beaucoup pour nous tous. On vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Journal des Sciences. Vous aimez le durian, Olivier Lascar? J'ai goûté ça récemment, j'ai trouvé ça moins mauvais à manger qu'à renifler, effectivement, une sorte de fromage blanc végétal. Voilà, on dit fromage blanc avec ail et échalote. C'est dégoûtant. Mais il faut passer l'odeur quand même, en fait. C'est ça, j'ai jamais réussi, moi. un mot peut-être plus sérieusement sur ces affaires, ou s'il y a des sujets sur lesquels vous vouliez réagir simplement, peut-être Cécile Lestienne, sur ce que vous avez entendu dans ce Journal des Sciences. Moi, je redirais que cette idée de mettre un conseil scientifique auprès du gouvernement peut se révéler fructueuse, mais je trouve qu'il faudrait déjà pousser pour qu'il y ait plus de scientifiques à l'Assemblée nationale. Par exemple, nous avons Cédric Villani aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourrait en avoir d'autres et qu'il y en ait peut-être plus dans les cabinets et pas juste un conseiller ou un groupe de conseillers qui peut aller et venir au gré des humeurs. Néanmoins, c'est vrai que c'est pas du tout une culture française, alors qu'en Grande-Bretagne, Zoé l'a dit, aux États-Unis, il y avait un conseiller scientifique auprès de Barack Obama. On n'a pas l'habitude de discuter avec les scientifiques comme ça en prise directe. Et quand on a entendu, par exemple, Alain Fuchs ou Yves Lévy de l'INSERM et du CNRS réclamer ce type d'audience, en tout cas d'accès au pouvoir direct, ne serait-ce que pour stimuler, pour motiver la recherche française, Olivier. Ah, on sait que ça n'est pas dans la culture de nos hommes politiques, hein, qui sont plutôt qui sortent de l'ENA, qui sont d'anciens avocats et qui regardent les choses scientifiques un peu en chien de faïence. Après, on voit que de nos jours, les sujets dits scientifiques ou techniques font de plus en plus la une des magazines généralistes. Hein. On parle d'intelligence artificielle, de big data, de manipulation du génome avec CRISPR-Cas9 partout. Donc effectivement, il est temps que ces sujets soient pris à bras-le-corps par nos dirigeants et au premier chef par le président de la République. Donc c'est plutôt une bonne chose. Élodie Chabrol, oui. Oui, effectivement, j'ai l'impression que les sujets arrivent un petit peu à percer le public, mais on a encore du mal à vraiment, en gros, toucher les scientifiques, avoir une espèce de lien entre les scientifiques et le public. Donc je pense que ça commence à venir. Mais les sujets arrivent, une fois que le public sera intéressé, et les politiques, un peu tout le monde, je pense qu'on arrivera à faire une espèce de lien. Mais... Le jour où on acceptera que les sciences font partie de la culture générale, on aura beaucoup avancé. Non, et puis peut-être aussi, on l'a beaucoup dit autour de cette table, effectivement, un problème de valorisation des carrières scientifiques ou de lien entre les carrières scientifiques et les carrières publiques, contrairement par exemple à l'Allemagne, où on cite systématiquement ce modèle, puisqu'Angela Merkel est docteur en chimie. Aujourd'hui, il y a effectivement une passerelle qui se fait relativement mal. Olivier, Edmond Maire est décédé cette semaine, je crois, l'ancien patron de CFDT. C'était un chimiste de formation, hein, donc il y a quand même quelques contre-exemples en France. Mais effectivement, Nicolas, ça devrait, on devrait un peu plus prendre l'exemple. On parle souvent de prendre l'exemple sur nos voisins européens, souvent l'Allemagne. Bon, ben là, pour le coup, c'est vraiment un bon exemple à prendre. Un mot peut-être aussi rapidement sur ces études dont nous parlions sur Néandertal. On voit finalement un tableau paléontologique qui était relativement clair, où on voyait des espèces qui se succédaient les unes aux autres dans une sorte de ligne continue. On voit aujourd'hui que c'est tout de même un tableau de plus en plus complexe, de plus en plus trouble, où on se rend compte que les origines de l'homme sont malgré tout une sorte de tableau dont on n'aura peut-être jamais tout à fait tous les éléments, tous les détails, toutes les ficelles, Olivier. Oui, c'est un tableau en 3D. Hein, selon la position qu'on prend par rapport à ce tableau, on voit les choses différemment, elles bougent. C'est passionnant avec Néandertal, parce qu'effectivement, il y a quelques années, on avait de lui l'image d'un aimable demeuré. Aujourd'hui, on voit qu'il est de plus en plus, il est vraiment proche de nous. Il y avait également récemment une étude Zoé sur une mâchoire découverte il y a 130 000 ans en Croatie qui montrait que l'homme de Néandertal à qui avait appartenu cette mâchoire se soignait les dents, se brossait les dents. Début de dentisterie, finalement. Voilà. Effectivement. Donc, effectivement, on a beaucoup. Alors, j'invite les auditeurs à voir un documentaire qui s'appelle Le Fils de Néandertal, qui était passé sur Arte récemment et qui est un documentaire et qui interroge justement à notre savoir très mouvant par rapport à l'homme de Néandertal. C'est un film vraiment bien. Qui montrait une sorte d'enfant qui aurait été un croisement d'Homo sapiens et de Néandertal, ce qui est évidemment un gag, enfin un hoax, en tout cas une imposture, mais... Aujourd'hui, oui, mais on sait bien que Néandertal et Homo sapiens se sont croisés. Et nos ancêtres se sont croisés. Mmh. C'est bien pour ça que nous avons des gènes néandertaliens dans notre génome. Moi, je trouve effectivement fascinant cette réhabilitation de Néandertal. Et j'attends qu'on comprenne, du coup, justement, en fait, pourquoi Néandertal a disparu. Hein, parce que finalement, on ne sait toujours pas. Je crois qu'une des dernières théories en date, c'est que justement, les croisements étaient un petit peu difficiles et notamment que les petits garçons issus d'un Néandertal et d'une femme sapiens avaient beaucoup de mal à survivre, à se reproduire, et ça serait pour ça que Néandertal aurait disparu. Il y a plusieurs scénarios. On a longtemps dit que sapiens avait exterminé Néandertal. On se rend compte vraisemblablement que la distribution des populations fait que les groupes de Néandertal se sont séparés et se sont un peu éteints. Comme ça, Elodie Chabrol, vous vouliez réagir sur Néandertal? Pas du tout. Alors, on va passer à la suite. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et on passe au premier sujet de cette semaine, un sujet labellisé Nobel, puisque nous allons tout vous expliquer sur les rythmes circadiens. Le comité suédois a récompensé il y a 15 jours les travaux de trois chercheurs américains, Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Young, pour leurs travaux sur l'horloge biologique et plus précisément sur les mécanismes génétiques qui contrôlent cette horloge. Alors Elodie Chabrol, vous ne vouliez pas réagir sur Néandertal, mais vous allez tout nous dire sur cette horloge biologique. Vous qui n'êtes pas, peut-être sait-on jamais, à l'abri de recevoir un prix Nobel un jour. Racontez-nous un peu ces mécaniques qui sont des mécaniques extraordinairement complexes, puisque ça met autant en jeu le cerveau, nos gènes, nos hormones, la rétine et beaucoup, beaucoup de mécanismes corporels. Tout à fait. Donc, les rythmes circadiens, en fait, ce sont des... Donc, il n'y en a pas qu'un seul. Hein. Ce sont des rythmes qui, en gros, ont 24 heures, donc qui gravitent sur 24 heures. C'est donc l'horloge interne qui va toucher notamment le plus connu, ça va être le cycle veille-sommeil. Donc ça, c'est celui forcément qu'on a tous en tête. Mais après, tout ce qui est effectivement hormones, prise de nourriture, température interne, etc., etc., tout ça va être lié à des rythmes circadiens. Et donc tout ça a été récompensé par un prix Nobel. Bien sûr, les rythmes circadiens ne sont pas connus seulement depuis 1984, donc quand ils ont découvert ce gène. Déjà au XVIIIe siècle, en fait, des chercheurs ont mis des plantes dans le noir et se sont rendus compte, en fait, c'est la feuille de mimosa, je crois. Et en fait, ils se sont rendus compte que la feuille de mimosa dans le noir continuait de se fermer et de s'ouvrir suivant un rythme de 24 heures. Donc là, en fait, c'est là où on s'est rendu compte que le rythme circadien, donc l'horloge interne biologique, était vraiment lié seulement à notre organisme. Pas seulement, mais en tout cas, il y avait une composante endogène, donc notre organisme. C'est une composante endogène pour les animaux, pour la faune, mais aussi pour la flore. Enfin, vraisemblablement, c'est quelque chose qui se retrouve chez tous les organismes vivants multicellulaires. Oui, tout à fait. Ça se retrouve chez vraiment, ça va des algues aux humains, aux mammifères, etc. On s'en est rendu compte, à un moment, ils ont fait une expérience en 1970, je crois. Quand ils ont pris un homme, ils l'ont mis plusieurs, c'est un peu horrible d'ailleurs, plusieurs semaines dans le noir. Et ils se sont rendu compte qu'il y avait toujours ce rythme. Sauf que ce rythme n'est pas exactement 24 heures. Il oscille entre 23h30 et 23h30 et 24h30. Ouais. 23h30 et 24h30. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est là que les facteurs extérieurs entrent en jeu, notamment la lumière, qui vont permettre tous les jours de recadrer ce rythme. En fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des boucles de rétroaction, parce que si on était calé, par exemple, mettons que je sois calé sur 23h30, du coup je décalerais mon sommeil d'une demi-heure chaque jour, et on imagine que la société fonctionnerait un petit peu peu moins bien. Non pas parce que je serais décalé, mais parce que tout le monde serait décalé. Chaque individu, en fait, a vraiment une horloge interne différente. Mmh. Et effectivement, il y en a qui vont être à 23h30, d'autres 24h30. Mmh. Et donc, du coup, tout ça fait que les gens vont petit à petit, normalement sans lumière, se décaleraient petit à petit les uns des autres. D'où les facteurs extérieurs, tels que la lumière, la température, aident à se recaler. C'est pour ça quand on a un gros changement d'horaire dû à un vol ou des choses comme ça, en fait, on dit toujours aux gens, mettez-vous à la lumière, vivez par rapport à la lumière extérieure au jour pour, en gros, remettre le corps un petit peu d'aplomb. C'est le facteur principal de recadrage. Ce qui est intéressant, moi, en étudiant ce sujet, de voir qu'effectivement, sur des rythmes circadiens individuels entre 23h30 ou 24h30, ça explique aussi en partie les gens qui sont plutôt couche-tard ou les gens qui sont plutôt lève-tôt. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réveillent un peu plus tôt ou des gens qui vont avoir un peu plus de mal à se coucher. C'est-à-dire que c'est une réalité biologique. Oui. Et donc, ces chercheurs, ce qu'ils ont découvert, c'est un gène, c'est la première fois qu'on découvrait un gène d'horloge, donc un gène impliqué dans ce rythme circadien. C'est pour ça qu'ils ont eu le prix Nobel, c'était le premier, en gros, mécanisme moléculaire du rythme circadien. Et donc, c'est le gène qui s'appelle période. C'est un gène d'horloge dans le sens où c'est intéressant ce qui se passe. Donc, le gène est dans le noyau, il va être produit. Mm-hmm. Le produit de ce gène va être une protéine. Normalement, les protéines, généralement, donc c'est ce qui agit dans la cellule, généralement vont un petit peu se balader, elles vont rester soit dans le cytoplasme, soit vont aller à la membrane, etc. Et ces protéines, ce qu'elles font, période, c'est qu'elles retournent dans le noyau et elles vont se mettre sur le gène, l'empêchant ainsi d'être exprimé. Et donc, plus on a de protéines période, moins le gène va être exprimé. Et en fait, c'est une boucle de rétroaction négative, en fait, qui fait que l'expression de ce gène va donc osciller sur une période de 24 heures. Il va s'auto-réguler. Donc, moins le gène est exprimé, effectivement, donc du coup, moins la protéine est produite. Tout à fait. Et moins la protéine est produite, et plus le gène va finir par se libérer, et donc, etc. etc. Voilà, et exactement. Et du coup, c'est cela qui permet une oscillation sur 24 heures de cette protéine et de ce gène. Et donc, c'est eux qui ont mis en lumière, en fait, ce gène. C'était le tout début de la génétique, en gros, des comportements et notamment du rythme circadien. Et alors, du coup, comment fonctionne, c'est intéressant aussi de voir comment fonctionne l'influence de la lumière, justement, sur ces boucles de rétroaction du rythme circadien. Oui, donc la lumière, en fait, elle va être captée au niveau de la rétine et être transmise directement. Donc, en fait, le rythme circadien va être géré par un groupe qui s'appelle les noyaux suprachiasmiques. Mmh, dans le cerveau. Dans le cerveau, un nom un petit peu compliqué. Mmh. Et en fait, la lumière va agir directement sur ces noyaux pour les recadrer, en fait, tout simplement. Et ces noyaux sont un petit peu vus, donc le cerveau a un rythme circadien, mais on a vu grâce aux travaux sur la souris que, en fait, quasiment toutes les cellules du corps vont agir suivant un rythme circadien également. Et en fait, ces noyaux suprachiasmiques, avant, on pensait que c'était eux qui géraient tout le rythme circadien, mais maintenant, ils sont vus plutôt comme des chefs d'orchestre de l'organisme. C'est-à-dire qu'ils vont un petit peu dicter aux organes comment faire, mais ça va être tout vraiment lié ensemble. C'est eux qui organisent, ces noyaux suprachiasmiques sont situés dans la zone du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. C'est une toute petite zone, hein, c'est tout petit, c'est tout au milieu du cerveau. C'est vraiment au plein cœur, à l'intérieur du cerveau. Quand on parle de rythme circadien, on parle beaucoup, et on sait, quand on voyage très loin en général, qu'on en prend un peu pour essayer de se réguler plus vite que ce que le jet lag nous impose, de la mélatonine. Comment fonctionne la mélatonine, Élodie, dans ces... Alors, la mélatonine, c'est l'hormone qui va en gros vous dire que c'est l'heure d'aller se coucher. C'est pour ça que quand effectivement on voyage, on a des gros jet lags, l'idée c'est de prendre de la mélatonine un petit peu avant de dormir pour justement avoir cette hormone qui va faciliter l'endormissement. Mais ce qui se passe normalement, c'est qu'elle est accumulée en fin de journée, donc on va avoir des taux assez importants, on va avoir envie de dormir et elle va être régulée et détruite en gros pendant la nuit, d'où le réveil, etc. Donc la mélatonine, elle, est régulée d'une façon circadienne. Et aujourd'hui, ce rythme, on le connaît entièrement, on l'a étudié pleinement chez l'être humain, ou est-ce qu'il reste encore quelques zones d'ombre ? Non, je pense qu'il reste beaucoup de zones d'ombre, comme pour un peu tout. Notamment, eux ont étudié des mouches, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Notamment, le gène période agit sur des tonnes et des tonnes de cibles. Ça ouvre vraiment une voie à la chronomédecine, en fait. Et donc, voilà. La chronomédecine, dites-nous en un mot, c'est intéressant parce que c'est effectivement une voie de la médecine où on essaye de prendre en considération précisément les perturbations de ces rythmes circadiens chez certaines personnes qui peuvent être insomniaques ou souffrir d'autres troubles associés. Voilà, les troubles, ça peut être des troubles de la mémoire, ça peut être des troubles dépressifs également. La chronomédecine, c'est vraiment l'idée de prendre le médicament au bon moment. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on prend un médicament tous les matins qu'il va être vraiment actif. Mais l'idée de la chronomédecine, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut vraiment bien prendre quel médicament et du coup agir par rapport à tous ces rythmes et prendre le rythme biologique en compte lors du traitement, en fait. Cécile, vous vouliez réagir ? C'est fascinant tous ces travaux sur la finesse de cette horlogerie entre l'horloge centrale et puis les horloges périphériques de tous nos organes et qui sont et dont les dérégulations sont effectivement impliquées dans des tas de maladies, le diabète, l'obésité, bon, l'insomnie évidemment, ça on pourrait s'en douter, c'est pas trop compliqué, aussi certains types de cancers et donc là il y a vraiment des pistes de traitement intéressantes. Et c'est très facile de déréguler ces horloges, n'oubliez pas, il suffit de manger à n'importe quelle heure et de dormir n'importe quand. Exactement. L'importance des rythmes, l'importance de se caler sur des heures précises, finalement nous sommes des animaux millimétriques, chronométrés, nous sommes des horloges ambulantes, Olivier. Moi c'est ce que je dis toujours à mes enfants, alors la prochaine fois je leur dirai que je fais de la chronomédecine, alors ils ont de manger à heure fixe. Je trouve que c'est sympa d'avoir un Nobel qui parle à tout le monde comme ça, qu'on puisse vulgariser et expliquer, parce que parfois c'est un petit peu alambiqué, il y en a eu cette année d'ailleurs. Sur la cryomicroscopie, c'était moins facile à expliquer. C'était un peu plus compliqué. Se lever de bonheur, alors que là, effectivement, l'horloge interne, ça parle à tout le monde. Là. Et peut-être un mot justement sur les trois Nobel, parce qu'on en a parlé ici pendant le Journal des Sciences, mais Olivier, un mot, physique, médecine, chimie. Donc, médecine et physiologie. Ouais. Médecine et physiologie sur le rythme circadien. Les ondes gravitationnelles en physique. Peut-être un regret par rapport aux ondes gravitationnelles. Il y a le physicien français Thibaut Damour qui a eu la médaille. Je crois que vous l'avez reçue. La médaille d'or du CNRS, tout à fait. Le 24 heures avant. Non, le jour même. Le jour même, on l'a eu au téléphone. Il a eu la médaille d'or du CNRS pour ces travaux-là, et on s'attendait jusqu'au dernier moment qu'il puisse être aussi au palmarès, donc petite déception. En regardant de biais le Nobel, c'est que finalement, on prend les Nobel scientifiques, là, on a trois hommes à chaque fois, trois blancs, trois septuagénaires, environ, en gros. Donc c'est pas très... mixité pas terrible, hein, Cécile. Cécile Lestienne. Ah non, on peut encore regretter ça. Il n'y a aucune femme cette année. Il n'y en avait aucune femme l'année dernière. C'est vrai que je crois qu'il y a à peu près 30% de femmes maintenant dans tous les secteurs confondus, des sciences, dans les laboratoires. Il y a effectivement eu que 3% de femmes qui ont eu le prix Nobel. On peut franchement le regretter. Et notamment en physique, je voudrais rappeler qu'il n'y a eu que deux seules femmes qui ont eu le prix Nobel de physique, dont la dernière en 1963. Donc, je doute qu'il n'y ait aucune physicienne qui, depuis, n'ait fait de travaux importants. Et Olivier Chabrol, sur cette... C'est un reproche qu'on avait déjà fait l'année dernière au comité Nobel, de ne pas récompenser. En plus, à chaque fois, il y a effectivement plusieurs scientifiques qui sont récompensés pour l'ensemble de leurs travaux. On se dit qu'effectivement, dans ces circonstances-là, oui, Cécile, vous voulez... Oui, c'est un très mauvais message. Envoyé aux jeunes filles, je trouve. On n'arrête pas de regretter que les jeunes filles ne se lancent pas dans des carrières scientifiques, mais effectivement, c'est le message envoie, vous pouvez faire carrière, mais vous ne serez jamais récompensé. Ouais, exactement. 3%, c'est vraiment très très peu. Et c'est vrai que ça ferait du bien aux jeunes filles de voir un petit peu des femmes récompensées, autre que par des prix, typiquement la Fondation L'Oréal fait des prix magnifiques, etc. Les femmes chercheuses. Voilà, mais ce sont des programmes faits pour les femmes et ça serait chouette de voir un programme qui n'est pas juste fait pour les femmes et qui récompense aussi les femmes en sciences. Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue un enfer. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi. Lorsque tu tes cheveux. Ce bleu infiniment bleu que je trouvais dans tes yeux. Lorsque je rêvais, tu es tout. De rester avec toi, c'est la raison pour laquelle je ne veux plus quitter mon lit, pour qu'enfin toutes les nuits dure toute la vie. Le grand sommeil d'Étienne Dao, après avoir parlé des rythmes circadiens, ça nous paraissait de rigueur, puisque c'est notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche sur France Culture, avec Cécile Lestienne de Pour la Science, Olivier Lascar de Sciences et Avenir et Elodie Chabrol de Pint of Science. Deuxième sujet donc cette semaine. On reste dans nos petites cellules grises si chères à Hercule Poirot, parce que du fait de ma décision pleine et entière, nous allons parler de l'association de souvenirs, ce qui fait par exemple que pour l'éternité, Cécile Lestienne, dans ma mémoire seront liés les sujet du rythme circadien, de la fixation des souvenirs et d'Étienne Dao. Et votre intervention et celle qui vient de précéder donc vont partager en fait des neurones dans mon cerveau. Absolument. Et dans le dernier numéro de Pour la Science, là, on publie deux papiers sur des recherches assez complémentaires sur effectivement l'organisation des souvenirs, comment le cerveau en fait range les souvenirs dans le cerveau. Et c'est assez fascinant à quel point aujourd'hui les chercheurs arrivent à aller très finement dans le cerveau. La première question qui se pose, c'est pourquoi un souvenir s'ancre dans tel groupe de neurones et pas dans tel autre groupe de neurones à côté. Donc ça, c'était la première question. Et il semblerait que ça soit vraiment très lié à un gène qui s'appelle Krebs. Voilà. Et Krebs, on savait depuis longtemps qu'il jouait un rôle dans la mémoire à long terme. C'est un gène ou une protéine? Les deux. C'est les deux, oui, d'accord. C'est le gène et le gène et la protéine qui s'exprime. Le gène s'appelle Krebs, voilà. Et la protéine qui s'exprime s'appelle aussi Krebs. Voilà. Donc il joue un rôle dans la mémoire à long terme parce qu'il joue par une cascade assez complexe que je vais chanter ici, un rôle justement sur l'architecture des synapses, la formation et la régulation des synapses. Et les synapses, vous savez, ce sont justement, c'est ce qui permet aux neurones d'échanger des informations. Donc voilà, et on s'est aperçu qu'effectivement, les neurones où il y a le plus, où ce gène est le plus exprimé, au moment où il se passe quelque chose, c'est là que s'ancre le souvenir. Et on voit par exemple que ce gène, cette protéine est très fortement exprimée aussi en lien avec le ressenti, les sentiments. C'est-à-dire quand on a vécu quelque chose de fort ou d'important. Ah là, c'est parce que les expériences dont les chercheurs parlent ont été faites chez des souris, évidemment, et en particulier dans l'amygdale, qui est un très schématiquement également lié à la mémoire émotionnelle. Voilà. Mais ils ont aussi fait les mêmes études ou des études parallèles dans l'hippocampe, qui est plus lié à la mémoire sensorielle, et même dans d'autres zones du cerveau. Donc c'est pas systématiquement lié à la mémoire émotionnelle. Il n'y a pas de lien systématique entre une forte émotion liée à un souvenir et l'expression de ce gène. Les émotions sont liées à la mémoire. Ça c'est vrai. Et qu'on se souvient mieux de choses qui nous ont marqué affectivement ou émotionnellement. Voilà. Et souvent négativement, malheureusement. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec ces pauvres petites souris auxquelles on fait faire des expériences où on les met dans des cages différentes et on associe une cage à un petit choc électrique pour savoir si elles se souviennent mieux d'une cage ou de l'autre. Voilà. Et quand on chante ce gène Krebs, justement, cette mémoire émotionnelle ne marche plus chez ces souris. Ce qui est intéressant, c'est que ce gène, cette protéine, en fait, elle va précisément multiplier, renforcer les synapses, donc en fait créer une liaison plus forte à l'intérieur de notre cerveau entre différents réseaux de neurones. Exactement. Et la deuxième question que se posaient les chercheurs, c'était est-ce que ça a un rôle aussi sur le lien entre deux souvenirs. Voilà. Leur hypothèse était que si un souvenir en appelle un autre, c'est parce que en fait ils sont partagés par les mêmes neurones, ou en tout cas en partie partagés par les mêmes neurones. Alors ça paraît très évident, très intuitif, mais encore fallait-il le montrer. C'est pour ça que je disais que j'allais lier jusqu'à la fin de mes jours Élodie Chabrol et vous autour des rythmes circadiens, etc. C'est parce que effectivement c'est simplement les mêmes cellules donc qui sont sollicitées Au moins en partie. On a fait toujours ces expériences avec ces souris. Voilà. On va envoyer un petit chèque, un don à l'association de protection des souris et de laboratoire. Voilà. On leur a mis des petits microscopes, vraiment minuscules, microscopes de 2 ou 3 grammes sur la tête pour voir effectivement les neurones en train de s'activer quand elles entraient dans une cage, puis dans une autre, etc. Pour montrer qu'effectivement, quand elles associaient deux souvenirs, les neurones étaient partagés le même souvenir. Et alors c'est aussi très évident, mais pareil, encore fallait-il le prouver, ça marche d'autant mieux que le souvenir n'est pas très lointain dans le temps. Ça marche bien quand vous la mettez dans une cage, puis 5 heures après dans une autre cage. Si vous faites ça une semaine et puis la semaine d'après, ça ne marche plus. Voilà. Il y a une autre chose qui est mise en relief par cette étude, c'est que pour le coup, les souris âgées lient moins facilement les souvenirs. Ça, c'est déprimant, Nicolas, j'avoue. parce qu'on peut supposer que c'est un peu pareil chez l'homme. Voilà. Oui, effectivement. Plus on vieillit, moins on associe les souvenirs. Voilà. Et c'est une des clés de l'intelligence, évidemment. C'est assez déprimant. Mais toujours chez ces pauvres petites souris qui ont été manipulées génétiquement, ils ont réussi avec un certain type de molécules à réactiver la possibilité de lier les souvenirs. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il y a un traitement pour l'homme là tout de suite, hein, parce qu'on en est très très très loin. Mais disons que ça montre qu'il y a des pistes, effectivement. De toute façon, c'est toujours pareil, la recherche fondamentale. Mieux on comprend comment ça se passe, plus on a des chances après de pouvoir trouver des traitements. Par ailleurs, éventuellement, parce qu'évidemment, on pense toujours à des éventuels débouchés thérapeutiques, sur cette association de souvenirs, on pense qu'on peut éventuellement aboutir à quelque chose qui permettrait de traiter certains problèmes liés à l'anxiété, par exemple ou... Alors, pas avec ces études-là, mais avec les autres études dont on parle. Parce que vous trouvez ça déprimant de penser qu'on associe moins les souvenirs quand on vieillit, mais heureusement, Olivier Lascar tout à l'heure va nous expliquer qu'une apocalypse nucléaire est sur le point d'advenir et que nous allons tous mourir sous les bombes nord-coréennes. Donc, heureusement, voilà, on pourra oublier. Merci beaucoup, Olivier. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Non, il y a autre chose, en revanche, alors, pour le coup, quand même, qui, moi, me satisfait énormément, comme un grand psychorigide que je suis, parce que ça me plaît de savoir que tout est très, très bien organisé dans mon cerveau, que c'est rangé, que c'est classé par couleur, par date, par souvenir associé. Moi, ça me fait très plaisir quand même. C'est le rôle de la production de neurones, en l'occurrence, tout au long de la vie, Cécile. Oui, alors bon, comme vous savez, pendant longtemps, on a cru que la neurogénèse chez l'humain adulte s'était terminée. Et en fait, non. Il y a certaines parties de notre cerveau dans lesquelles on continue à produire de nouveaux neurones tous les jours, et notamment dans l'hippocampe, dont je parlais tout à l'heure, qui est une zone du cerveau très impliquée dans la mémoire et dans la mémoire sensorielle. Et dans les rythmes circadiens, par ailleurs. Exactement. C'est une zone magique. Même très âgé, on en produit encore 700 nouveaux par jour. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Donc, on s'essaye, on se demandait quel était le rôle, justement, de ces nouveaux neurones. Et il semblerait que, de façon un peu complexe que je vais essayer de vous expliquer, ça joue un rôle dans la possibilité de distinguer des souvenirs qui sont très proches. Par exemple, où avez-vous garé votre voiture hier soir? Et avant-hier soir? Tout ça se ressemble beaucoup. Et pourtant, ce n'est pas forcément exactement au même endroit que vous avez garé votre voiture. Donc, en fait, c'est se relier au fait que les nouveaux neurones permettent de effectivement bien ranger les souvenirs et de pas tous les mélanger, parce que si tout revient à la mémoire en même temps, vous savez plus où vous en êtes. Et ça marche par un mécanisme plutôt d'inhibition, parce qu'en fait, on s'est aperçu que ça devait, parce qu'évidemment, toujours ces travaux sont faits sur des souris, ou des rats, ou des autres petits animaux de ce genre-là, mais chez des humains, qu'on a mis dans une IRM fonctionnelle, on s'est aperçu qu'il y avait justement du mal à distinguer des objets différents et des souvenirs différents. Il y avait une suractivation d'une petite zone, le gyrus denté, qui est justement le lieu où se produisent les nouveaux neurones. Il y avait une suractivation de ce gyrus denté. Donc là, c'est un peu curieux. Pourquoi il y a une suractivation si justement on ne sait plus ranger ses souvenirs et faire des distinguos? C'est parce que ça marcherait par un phénomène d'inhibition. C'est-à-dire que justement, ces nouveaux neurones, par toute une cascade moléculaire complexe, permettrait, quand vous rappelez un souvenir à votre mémoire, de réactiver les je simplifie évidemment, les 5 neurones que vous avez mobilisés pour localiser votre voiture hier soir, et pas les 5 neurones que vous avez mobilisés pour localiser votre voiture avant-hier soir, etc., etc. Et on voit que c'est sur ces pauvres souris, quand on bloque la neurogénèse, quand on empêche précisément l'hippocampe de produire des nouveaux neurones, eh bien elles sont, une fois de plus, elles retrouvent pas, non pas leur voiture, mais leur cage. Absolument, voilà. Et à l'inverse, quand on booste la production de nouveaux neurones, elles sont de plus en plus performantes, justement, pour distinguer et faire de nouveaux apprentissages. Et là, pour le coup, il y a de vraies pistes plus rapides, notamment pour soigner les souvenirs post-traumatiques. Le fameux syndrome post-traumatique, le SPT. Une des questions qui se pose, c'est que souvent, les gens qui ont subi ce type de traumatisme ont ensuite du mal à distinguer entre la mémoire de ce qu'ils ont vécu, qui était effectivement traumatique, et des événements qui pourraient ressembler, mais qui ne sont pas du tout traumatiques. Typiquement, enfin, un feu d'artifice, voilà, pour quelqu'un qui était sur un front de guerre. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose, mais le bruit se ressemble et ça produit effectivement des effets de stress extrêmement importants. Et donc là, en travaillant dans cette voie-là, on peut essayer de trouver des médicaments ou des traitements pour aider les personnes victimes de ce syndrome. Puis pour d'autres types de troubles de l'anxiété, ce qui est intéressant dans ces travaux sur les nouveaux neurones, où effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on a longtemps cru que le cerveau, bah voilà, ça y est, on avait notre quantité de neurones quasiment à la naissance et que ça bougeait plus après, ce qui n'est pas tout à fait le cas évidemment, ou en tout cas à l'adolescence plutôt. On a longtemps pensé que mettre un nouveau neurone dans un réseau organisé, ça risquait de mettre un peu le bazar, c'est-à-dire de dire un neurone jeune dans un réseau plus ancien, plus structuré, on pensait que ça allait pas complètement faux. La plasticité neuronale a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Notamment, si nos neurones se renouvelaient sans cesse, un peu comme se renouvellent vos cellules de peau, on ne pourrait justement pas juste garder des souvenirs. Parce que et donc, on aurait une mémoire de poisson. Il y a certains poissons dont le cerveau se régénère régulièrement, mais qui a une mémoire très courte. Ça explique la mémoire de poisson rouge. Élodie Chabrol. Tout à fait. Non, je trouve ça fascinant, cette histoire de nouveaux neurones, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques temps, le cerveau était effectivement vu comme quelque chose de vraiment qui ne bougeait pas, immobile, et on faisait que perdre des neurones avec l'âge. Et ça ouvre vraiment des voies hyper intéressantes de savoir ces nouveaux neurones, qu'est-ce qu'ils font, dans quoi ils sont impliqués, etc. C'est vraiment fascinant. Il y a deux zones, hein. Il y a l'hippocampe et une zone aussi liée à l'olfaction. Mais là, pour le coup, on en sait moins pour l'instant. Oui, on sait pas mais trop. Justement, ça laisse plein de nouvelles recherches à faire. Olivier Lascar. Une fontaine de jouvence dans le cerveau, ça c'est vraiment effectivement une super nouvelle. Après, on parle de neurones, on a tendance effectivement à résumer le cerveau aux neurones, mais j'assistais récemment à une conférence d'Ivagide, qui est le cofondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui parlait de l'autre moitié du cerveau, composé par les cellules gliales oui. Qui sont il y a l'autre tranche, il y a l'autre moitié, l'autre hémisphère en quelque sorte à observer qui les baby-sitters, dit Élodie Chabrol. Oui, c'est les baby-sitters des neurones, les cellules gliales. Vraiment, elles sont là pour faire en sorte que s'il y a trop de neurotransmetteurs qui traînent, les recapturer. En gros, les cellules gliales nettoient, gèrent en gros l'environnement des neurones. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des neurones parce que c'est un peu la star, ce sont les stars du cerveau, mais les cellules gliales généralement sont dans l'ombre derrière et s'occupent des neurones Mais comme souvent en neurosciences depuis 20 ans on a fait des progrès incommensurables, il y a tous les jours de nouvelles choses et en même temps plus on apprend plus on comprend qu'il y a de nouvelles choses à comprendre. c'est la boîte sans fond. Non, c'est intéressant, c'est que les cellules gliales c'est un peu comme le microbiote intestinal, on se rend compte aujourd'hui de leur importance, de leur rôle crucial dans l'organisation du cerveau, de la pensée, des souvenirs, de l'apprentissage. Oui, parce qu'on ne les découvre pas aujourd'hui. Hein, ça fait longtemps qu'on les connaît. Mais effectivement, il y a de nouvelles façons de les appréhender. Alors, il faut dire que par rapport aux les neurones font des petites impulsions électriques qui permettent de les observer. Les cellules gliales, elles sont... On commence à découvrir qu'effectivement, elles en font un petit peu. Ah bah décidément, alors. Ça vient de mon labo. Une émission sur les cellules gliales. Eh ben on va faire une émission très prochainement sur les cellules gliales. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour terminer cette émission, un sujet détente, un sujet plaisir. Allons-nous tous mourir dans le feu nucléaire nord-coréen ? Une question que l'on peut légitimement se poser au vu du concours de braguettes que se livrent actuellement le dictateur Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Un concours de braguettes qui prêtera à rire si les conséquences possibles n'étaient pas aussi terrifiantes. Olivier, vous savez tout sur l'arsenal nucléaire nord-coréen grâce à des méthodes que nous ne révélerons pas autour de cette table. Alors oui, tout c'est peut-être beaucoup dire, mais il y a des choses qui commencent à apparaître et de façon un peu détournée. Alors il y a effectivement ce que disent les Nord-Coréens, notamment l'agence de presse officielle, la KCNA, qui dévoile régulièrement des photos du dictateur Kim Jong-un en situation. Et la dernière fois, il est posé devant une bombe H. Hein, alors voilà, on va voir l'importance de la différence entre la bombe A et la bombe H. Voilà, donc on voit, il est devant un dispositif qui est relativement petit, en forme de grosse cacahuète, et c'est présenté comme étant la bombe H. Alors est-ce que c'est la bombe H qui effectivement a sauté en septembre, début septembre dernier, dans un site souterrain d'expérimentation nord-coréen, il y a des éléments de réponse qui permettent de dire oui, c'était bien la bombe H. Quels sont les éléments ? Alors, avant de regarder ces éléments, peut-être faut-il faire un petit rappel historique entre la bombe A et la bombe H. On parle de bombe nucléaire, mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même puissance de feu surtout. C'est pas la même puissance, et c'est pas la même réaction. Physique, voilà. C'est pas la même réaction. Physique. La bombe A, c'est la bombe à fission. Dans une bombe A, il y a une explosion qui permet de scinder en deux des atomes dits lourds, de l'uranium, du plutonium. Ces atomes étant cassés, ils produisent des neutrons qui eux-mêmes vont cogner d'autres atomes lourds qui sont dans le mélange, etc. Ça fait une réaction en chaîne. Et tout ça jusqu'à épuisement du combustible, et c'est ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Voilà. Et ça produit une chaleur épouvantable, une dizaine de millions de degrés. Et cette réaction en chaîne, elle est employée dans cette autre arme de destruction massive qui est la bombe H, puisque cette bombe dite à fusion, cette bombe thermonucléaire, c'est finalement deux bombes en une. Dans la bombe H, il y a une bombe A, puisque cette bombe A va générer la chaleur nécessaire pour provoquer ensuite la réaction de fusion. De fusion entre quels atomes ? Entre des atomes d'hydrogène, en fait des isotopes de l'hydrogène, en l'occurrence le deutérium et le tritium. Et fusionnant, ces atomes vont produire de l'hélium et dégager une énergie épouvantable. Et donc là, comme on le disait tout à l'heure, Olivier, Kim Jong-un a donc posé devant une bombe H. C'est donc effectivement, comme je le disais, un concours de braguettes, c'est-à-dire on a la bombe qui est la bombe atomique la plus puissante, la plus destructrice. Et donc, c'est évidemment une menace qu'il faut prendre au sérieux. Alors, c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux. Donc, s'il faut la prendre au sérieux, c'est qu'on a des instruments d'observation à l'extérieur de la Corée du Nord. En fait, c'est l'instrument qui observe les secousses sismiques. Et ces instruments ont détecté effectivement une explosion début septembre qui a délivré une puissance sans commune mesure avec les autres essais nucléaires antérieurs qui ont démarré en 2006 de la Corée du Nord. C'est-à-dire qu'en gros, depuis octobre 2006, la Corée du Nord possède la bombe A. Ça, on en est à peu près sûr justement du fait de ces expériences sismiques. Absolument. Et on l'estimait entre 1 et 10 kilotonnes la puissance de l'explosion. Voilà, c'est allé jusqu'à 20. Jusqu'à 20 en septembre 2016. Jusqu'à 20, donc on avait 1 kilotonne de TNT, 5, 10, 20. Et la dernière, celle du 3 septembre, 250 kilotonnes de TNT. Donc cette puissance délivrée, elle plaide pour effectivement, oui, la Corée du Nord possède la bombe H. Néanmoins, la seule façon d'en être sûr, ce serait de détecter les gaz radioactifs qui peuvent s'exfiltrer par les failles sous le lieu où a eu lieu l'explosion, puisqu'encore une fois, c'est des explosions souterraines. Et ces gaz sont diffusés dans l'atmosphère et équipés d'avions avec des filtres spéciaux, on pourrait détecter ce xénon, cet iode radioactif qui sont la seule façon de dire oui, effectivement, c'est la bombe H. Ces observations, pour l'heure, n'ont pas encore été réalisées. Par ailleurs, il y a eu un séisme ce matin en Corée du Nord près d'un site nucléaire. Est-ce que c'est un séisme créé là, encore une fois, par un nouveau test ou un séisme naturel? On l'apprendra certainement dans les heures à venir. Pour ce qui concerne vraiment la bombe nucléaire en elle-même, mais comme on dit aux États-Unis, il faut deliver the payload. Absolument. Il faut la jeter, l'envoyer pour qu'elle puisse puis exploser sur la cible que l'on souhaite. Et là, c'est encore tout un autre problème de physique qui se pose pour pouvoir créer des missiles intercontinentaux ou balistiques suffisamment puissants. Voilà, problème de balistique, hein. C'est-à-dire il faut avoir des lanceurs qui décollent avec une accélération suffisante pour donner à la charge qu'ils portent une vitesse et qui permettra d'atteindre une cible à une distance X ou Y. Mmh. Jusqu'à présent, les Nord-Coréens n'étaient pas équipés de missiles suffisants pour toucher des pays comme les États-Unis ou même l'Europe. Mmh. Aujourd'hui, il semble qu'ils sont en possession des moyens comme cela. Ils ont un missile qui s'appelle Hwasong-14, qui a été testé avec succès en 2017, et qui est capable d'atteindre des cibles à 10 000 km de distance. C'est ce missile qui est passé au nord du Japon et qui a créé une alerte nucléaire? Voilà. Ce qui est surprenant, c'est que ces missiles, ils sont sortis comme le diable de leur boîte, hein, puisque l'année précédente, en 2016, ils avaient testé d'autres missiles d'une technologie un petit peu inférieure, avec une portée également inférieure de l'ordre de 4 000 km. Hwasong 12. Et ces essais avaient lamentablement échoué. Là, on voit... cette année, quoi, hein, il y a une bascule technologique phénoménale et opérationnelle. Alors, on peut se demander, ça pose la question des appuis de la Corée du Nord. Et des transferts de science. Et des transferts de science. Alors là, les experts estiment que ce sont des filières clandestines qui leur auraient permis de s'équiper de moteurs à carburant liquide en provenance peut-être d'Ukraine. Bon, ce sont des pistes qui sont ouvertes. Ça pose beaucoup de questions. Y compris sur la technologie dont effectivement ils disposent aujourd'hui, puisque encore une fois, avoir le missile qui fait les 10 000 km de distance et avoir la bombache de l'autre côté, ça ne veut pas dire non plus qu'ils pourraient les utiliser ensemble, parce qu'il faudrait que cette bombache ait une taille suffisante pour être incluse dans le missile. Si notre grosse cacahuète dont on parlait tout à l'heure, qu'on voit sur la photo avec Kim Jong-un, est effectivement la bombache, alors oui, ils sont en mesure de frapper théoriquement. Alors, ce qui est excellent vendredi à tous. Oui, mais tout ça intervient dans un contexte qui est un peu troublant, puisque en même temps, on parlait des Nobel tout à l'heure, il y a eu le Nobel de la paix, et le Nobel de la paix a été donné à l'ICAM, qui est un agglomérat d'OGM, qui est à l'origine d'un vote qui est une première depuis 20 ans à l'ONU, qui est un vote pour le désarmement nucléaire, qui a été voté par 122 États, pas par la France, qui est dotée de l'arme nucléaire. Ni par les États-Unis. Ni par les États-Unis. Donc on peut se demander à quoi. Mais c'est un traité qui est censé rentrer en application en 2018. Donc ça veut dire qu'en 2018, les États qui sont dotés de l'arme nucléaire vont devoir quand même discuter avec les autres pour mettre au point des politiques qui seront conciliantes avec cette nouvelle décision de l'ONU. Comme toujours, hein, en cas d'apocalypse nucléaire, on craint toujours plus pour ses miches que pour les miches du voisin. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, la France est à portée de missiles balistiques de la Corée du Nord ? La France est théoriquement à portée, oui, avec ses 10 000 km de distance. Alors, en plus, la menace nucléaire, elle peut être de différents types. Il y a la frappe au sol ou en basse altitude, type Hiroshima ou Nagasaki, mais il y a une autre façon d'utiliser l'arme nucléaire dont on parle moins souvent, mais qui peut être très très dommageable, c'est elle est dite de l'impulsion électromagnétique. En quoi ça consiste ? Eh bien, l'idée, ce serait de faire sauter la bombe H en haute atmosphère, de l'ordre de 40 km à peu près, c'est dans la ionosphère, et dans la ionosphère, les électrons sont libres. Du fait de l'explosion de la bombe H, les électrons pourraient se mettre à bouger à une vitesse extraordinaire de l'ordre de la vitesse de la lumière, et ce faisant, en rentrant en interaction avec le champ magnétique terrestre, il pourrait générer d'autres ondes électromagnétiques qui mettraient complètement hors service tous les dispositifs électriques et électroniques sur Terre. Par ordre de grandeur, une bombe équivalente à celle qui a sauté en Corée du Nord début septembre, si elle sautait au-dessus de la France à 40 km d'altitude, elle pourrait ainsi mettre hors service les dispositifs électriques et électroniques de 6 à 8 départements. Et les conséquences sont terribles. On se rappelle, on en a parlé ici même, du logiciel Far Cry, qui est donc un logiciel informatique, qui avait cassé le fonctionnement des hôpitaux publics en Angleterre. En Angleterre, oui. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, toutes nos infrastructures, la gestion des centrales nucléaires, la distribution de l'eau, toutes nos structures, elles sont organisées par... Les trajets aériens, enfin, effectivement, c'est... Donc, l'idée, là, dans ce cas-là, c'est pas de faire le maximum de morts, mais c'est d'organiser le chaos total. Excellent vendredi à tous. Une réaction, je ne sais pas, que dire, Cécile Lestienne. que j'espère avoir eu un petit problème neuronal ce matin et ne pas engranger ce souvenir. Non, je plaisante évidemment parce que je crois qu'il faut être au contraire très attentif, très informé à ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas, évidemment, dans l'espoir que les choses se calment et que le concours de braguette vire à autre chose, comme vous dites, Nicolas. C'est vrai que là, on est un peu dans la tempête parfaite, quoi, parce que face à Kim Jong-un, on a le... parce qu'il y a beaucoup la petite musique qu'on entend en ce moment, c'est que Kim Jong-un est rationnel. Il est peut-être, comme on le disait tout à l'heure, il est peut-être fou, mais il est rationnel et il ne fera pas n'importe quoi. Mais de l'autre côté, on a Donald Trump, qui est une personnalité qui ne manque pas d'angoisser. Et sinon, dans le reste de l'actualité scientifique, Cécile, y a-t-il des choses que vous avez notées, que vous voulez relever ? Non, moi j'attends lundi. J'attends lundi. J'espère que la bombe n'aura pas sauté d'ici là, parce que j'attends lundi. Je crois qu'il va y avoir des nouvelles découvertes sur les ondes gravitationnelles, justement, pour revenir sur le Nobel. On a des informations. Lundi 16h. On se doute de quelque chose. Non, c'est on ne sait pas. Vous ne... bon, ben on observera ça lundi attentivement, Olivier. Moi, peut-être deux choses rapidement. Je voulais partager mon enthousiasme pour un livre que j'ai découvert cette semaine qui s'appelle Le pouvoir sur ordonnance, qui est un portrait croisé de des dirigeants qui ont fait le XXe siècle, de Mao à Staline, en passant par Kennedy, et de leurs médecins. Puisqu'on voit que ces médecins en question ne les quittaient pas comme leur ombre. Et deuxième chose, un élément. Programme très positif qui remonte le moral, dont Science et Avenir est partenaire, qui passe en ce moment sur France 3 tous les soirs à 18h55, qui s'appelle L'Étincelle, et qui sont des portraits de scientifiques qui racontent comment ils ont eu leur étincelle scientifique. Ouais, c'est vraiment des très très jolis portraits tous les soirs sur France 3. On vous met évidemment les liens sur le fil Twitter. Élodie Chabrol. Bah moi, je vais suivre effectivement les ondes gravitationnelles. Là, j'ai hâte de savoir lundi 16h. Donc, quelle collision cette fois-ci, on va voir. Ouais, ouais. C'est la 2017 année des ondes gravitationnelles, un prix Nobel, médaille d'or du CNRS, Thibaut Damour, peut-être un futur Nobel. Et puis moi, je précise aussi que c'est toujours la fête de la science. Et oui, faisons la fête avant que le ciel ne nous tombe sur la tête. C'est jusqu'au 15 octobre et on vous met évidemment le programme sur le fil Twitter de l'émission, sur le compte La Méthode FC. Merci beaucoup à tous les trois. Peut-être nous reverrons-nous, qui sait. Je le souhaite en tout cas, je le souhaite. Merci. Olivier Lascar, à la une de Science et Avenir du mois d'octobre. Le vin et la santé. Bon, eh ben écoutez, on va essayer d'en boire un peu tout pour, ça. C'est ça, pour oublier. C'est les neurones du souvenir, évidemment, et comment le cerveau organise la mémoire. Élodie Chabrol, Pint of Science, c'est pas pour tout de suite, c'est mai 2018. Oui, nous on a des événements spéciaux tout au long de l'année. Donc on en a à Grenoble le 24. D'accord. Et on continue d'en organiser un petit peu partout en France, un petit peu tout le temps. Donc, super. À suivre. Et ben on met le programme pareil sur le fil Twitter de l'émission. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Baptiste Etchepard-Bord à la technique. Tout à l'heure dans le club du grain à moudre, Hervé Gardette demandera à son club du vendredi si du Che à Chavez il existe une fascination française. Dans quelques instants, c'est le magazine de la rédaction consacré au don d'organes, l'Espagne au cœur de l'Europe. Et puis je tiens à vous préciser que précisément nous parlerons des greffes et du don d'organes mercredi prochain dans les Méthodes scientifiques. Et puis dans le reste de la semaine, que se passe-t-il ? Eh bien lundi, une émission 100% sang, on parlera du sang donc, et de l'état de nos connaissances en biologie moléculaire sur le sang. Mardi, il sera question des ouragans, mercredi donc des greffes, jeudi nous parlerons de l'alchimie et de comment la chimie a abandonné la pierre philosophale, et vendredi, eh bien, nous nous demanderons pourquoi nous n'avons toujours pas rencontré d'extraterrestres avec Enrico Fermi, tout cela évidemment si nous ne sommes pas morts dans l'apocalypse nucléaire. On verra ça d'ici lundi 16h jusqu'à preuve du contraire.